merci beaucoup. Donc, tu vois, 38 minutes. C'est vrai, c'est pas trop pile dans le format, quoi. C'est très bien. Donc, merci beaucoup. Je trouve que ta présentation, elle est très, très, très claire. Tu as fait vraiment un exposé qui était très lisible, et puis l'articulation entre la construction générale et l'exemple lyonnais, ça se répondait très très bien. Pour moi qui découvrais ça sur Lyon, quoi, et bien qu'ayant lu un mémoire qu'on avait évalué ensemble, là, je trouve que là, ça m'a mis plein de perspectives intéressantes, plein de cadrages. Et puis en même temps, je pense que ça fait aussi écho à des... Bon, alors c'est vraiment dommage que Eroloff et Cécile ne soient pas là, parce que ça fait écho à des choses qu'ils ont... que Roloff avait présenté lors de la première séance. Ça fait écho aussi aux choses que Cécile a présentées en critique de l'exposition là, sur Ville rêvée, Ville durable, ouais. Où elle soulevait un certain nombre de questions, et que d'une certaine manière, à travers le traitement de la question lyonnaise, des avancées ou des tentatives lyonnaises, tu soulignes. Donc ça aurait été intéressant qu'elle puisse aussi intervenir là-dessus, mais peut-être que justement, avec l'enregistrement dont on dispose, peut-être qu'elle pourra éventuellement se positionner là-dessus. Alors, moi j'aurais en fait une question peut-être pour lancer la discussion, c'est... tu y as un petit peu insisté à la fin finalement. Donc tu nous as présenté un peu l'idée d'une singularité lyonnaise par rapport à ce cadre, oui. Et en même temps dans un contexte qui évolue avec un encadrement juridique, institutionnel par l'État. Et donc la question qu'on peut un peu se poser, c'est dans quelle mesure cette singularité lyonnaise de départ persiste dans un contexte qui est plutôt un contexte, on va dire, d'homogénéisation de l'action, en tout cas qui est posé comme tel, avec une norme, l'imposition de nouvelles normes et tout. Et donc dans ce contexte-là, est-ce que cette situation particulière de Lyon persiste? Ou y a-t-il au contraire un alignement ou un rattrapage, disons? Et est-ce qu'éventuellement, du coup, ça oblige aussi les acteurs locaux à rogner sur éventuellement certains de leurs secteurs privilégiés d'intervention ou d'innovation? Par exemple, cette mise en avant de l'argument, de l'adaptation, qui était rare par rapport au contexte national, qu'est-ce que ça devient dans le cadre plus large du Grenelle, et est-ce que ça favorise un alignement des positions, par exemple? Enfin, tu vois, ce genre de questions, comment est-ce qu'elles se posent maintenant? Alors peut-être qu'on pourrait faire d'abord un tour d'autres réactions, puis cette... je sais pas. Moi j'avais pas mal de choses, mais... On peut faire un par un, moi je disais ça. Bon, moi je viens, en plus ma réponse elle va être assez courte parce que j'ai pas vraiment d'éléments, enfin je pense que je pourrais te répondre dans 3, 4, 5 ans, quoi. Enfin, le truc c'est que le cadre national, ça reste pour l'instant quelques phrases dans le projet de loi de Grenelle, et donc une échéance qui est celle de 2012, mais sur le cadre et le contenu, c'est vraiment, enfin il y a rien, quoi. Donc du coup, la singularité et l'avance entre guillemets lyonnaise, à l'heure actuelle, elle continue à persister parce que voilà, quoi, on est sur. Alors avec d'autres, hein, c'est pas la singularité lyonnaise. Je pense qu'elle est vraiment sur ce côté adaptation, parce que sur le côté, le fait de s'être engagé dans un plan climat, c'est pas. Enfin, Grenoble, par exemple, était une des premières villes françaises avec, je sais pas, 2-3 ans d'avance. Mais il y avait vraiment une particularité sur l'adaptation. Mais alors après, je sais pas, peut-être on aura on prendra Lyon comme eux, comme modèle, ou comme pour voir ce qui doit être mis dans un plan climat, je sais pas, mais c'est. J'avais envie de réagir par rapport à un petit peu. Les principes d'un programme de travail qui était mis en place, quoi, des interrogations communes. Et donc, bon, ce qui est évidemment l'entrée, l'entrée, elle est complètement en phase avec l'entrée qu'on affiche, puisque finalement, C'est une entrée sur le renouvellement de l'action publique urbaine, donc on est complètement là-dessus, face au développement durable. Voilà, c'est ça le cœur de l'affaire. Alors ici, ça pose à mon avis, enfin, il y a trois façons de trois entrées que tu proposes d'une certaine manière et qui font écho avec des choses qui sont développées par d'autres. Il y a la question de l'innovation, qu'est-ce qu'il y a d'innovant dans cette affaire-là, du plan climat. Il y a la question des inégalités, qui est un bon révélateur des contradictions du développement durable. Alors ici, inégalité plutôt territoriale, il y a un tout petit peu inégalité sociale, on peut les évoquer à la fin. J'avais envie de faire deux, trois petites remarques surtout sur le premier point. Parce qu'en fait, ma façon de penser, c'est la longue durée. Donc, voilà. Si on s'inscrit dans une relativement longue durée, parce que là, vous avez beaucoup travaillé sur l'émergent. Ouais. Alors, si on se remet effectivement dans quelque chose qui est plus généalogique, la question de l'innovation, elle se pose très, très clairement. Et, c'est pas très articulé ce que je veux dire, mais il y a une première chose qui est de dire les villes sont un peu en avance sur les États, donc l'innovation elle est plutôt bottom-up d'une certaine manière, et elle passe par l'innovation urbaine, territorialisée, enfin il y a quelque chose autour de ça. Dans un domaine qui, c'est paradoxal, puisque finalement, on devrait se dire, ben non, puisque c'est un impératif planétaire. Donc, c'est les États qui sont donnés des injonctions, pas le protocole de Kyoto, c'est les États. C'est à l'échelle des États. Donc c'est vrai qu'il y a un gain, il y a des gains politiques à cette prise de position. Il y a peut-être aussi tout simplement le fait que, justement, comme ça ne passe pas par du normatif, du grand législatif, bah, c'est plus facile de dire... au début, c'est plus facile d'être pionnier quand on est dans l'expérimental, et c'est mort. Ouais, ouais. C'est un peu ça le problème. Ouais. C'est qu'après, la norme, c'est jamais les villes qui vont assumer la norme. Mmh. La norme, elle va être portée par les États. Donc, d'une certaine manière, cette question de se mettre en avant le côté pionnier, etc., c'est un peu du trompe-l'œil aussi. Mmh. Voilà, c'est tant que ça reste expérimental. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, moi, que j'ai beaucoup vu dans l'innovation urbaine depuis 20 ans que je l'enseigne ici, où on ne parlait pas du tout de climat, mais c'était, par exemple, je ne sais pas quoi, de technologie de communication... C'était déjà l'énergie, mais pas pour le climat, mais tu vois, par exemple, des politiques locales d'énergie. Donc on retrouve un petit peu les mêmes cheminements, donc il y a des sortes de choses qui reviennent. Hein. Par exemple, on commence d'abord par faire finalement le ménage chez soi. Hein. La télégestion du chauffage, par exemple, urbain, bah, d'abord on commence les bâtiments municipaux, et puis après, voilà. Toute une série de... l'informatique... d'abord, ça a commencé. On se dit, on va commencer chez nous, puis après, on fera des cours d'informatique pour la population. Donc, voilà. Toujours cette logique-là, qui était aussi une logique que c'est plus facile de passer par ces investissements-là, puisqu'on les maîtrise directement. Et quelque part, l'idée que, en donnant l'exemple, la population suivrait, elle est présente depuis longtemps. Et elle est toujours mise en échec, en fait. Donc là, il y a une sorte de dimension managériale, si tu veux, de l'innovation urbaine, qui est un petit peu, qui est un peu permanente, qui est, à mon avis, sur lequel il n'y a pas de retour, finalement. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, par exemple, dans le cas de Lyon, effectivement, tu montres bien toi-même qu'il y a des filiations, effectivement, c'est-à-dire que, tu en montres certaines, et qui sont quand même effectivement intéressantes. Mais justement, qui posent la question de... L'innovation peut d'autant mieux se développer qu'en fait, elle est déjà présente. Tu vois, c'est un peu ça. Les conditions, en fait, préalables sont là. Alors, effectivement, tu as parlé, par exemple, de la filiation air-climat. Oui, elle est fondamentale. Et en plus, ce qui est fondamental dans Coparly, c'est que ça remonte aux années 70. Donc, c'est vachement ancien. Ouais. Et que ce sont les industriels, en plus. C'est-à-dire que c'est le monde industriel, c'est le monde de l'entreprise qui l'a mis en place, Coparly. C'est-à-dire que là, on a les acteurs industriels dans l'affaire, les acteurs privés, dès l'origine. D'ailleurs, au départ, ce n'était que les industriels. Hein. C'est plus tard que la communauté urbaine l'a repris, etc. à institutionnaliser. L'arbre aussi, effectivement, c'est intéressant. L'arbre, la charcutologie urbaine, en fait, tous ces éléments-là, c'est les années 80. Et l'arbre, c'est assez intéressant, et on retrouve un autre élément, parce que ça en croise avec un deuxième, des conditions préalables à l'innovation, c'est que l'arbre, ça a été aussi un désir des techniciens de la communauté urbaine d'avancer une compétence. Puisqu'en fait, ça a été le prétexte, la charte de l'arbre, la première, peut-être ça n'était même pas charte de l'arbre, la première charte de l'arbre, à sortir d'une situation qui était dans le Maroc, dans laquelle les arbres d'alignement étaient... Parce qu'on est toujours dans une situation qui est un peu ambiguë. Oui, ce qui s'est passé, c'est que les arbres, ce n'était pas communautaire. Ce qui était communautaire, c'était la voirie, mais pas les arbres. Ah oui, d'accord. Les arbres étaient communaux. Voilà, génial. Donc, ils ont, autour de la mission écologie urbaine, etc., ils ont recruté des ingénieurs des eaux et forêts, New Look et tout ça, très biodiversité, machin. Ils ont fait une charte de l'arbre. Ben, la charte, c'est le côté un peu la communauté urbaine qui propose une aide. Bon. Puis finalement, ça aboutit au transfert, à un moment donné, des arbres d'alignement à la voirie. Ouais. Et donc, du coup, effectivement, l'arbre est devenu une compétence communautaire. Bon. Il y a tout ce côté-là, si tu veux, voilà, la façon dont la communauté urbaine s'est beaucoup, autour de l'espace public, autour de l'arbre, etc., les services techniques. Alors après, la ville de Lyon s'est elle-même reconstituée sa propre compétence en concurrence par rapport à la communauté urbaine. Il y a un jeu de concurrence très fort. Hein. C'est voilà. D'ailleurs, sur ces thématiques-là, il y a des politiques de ville de Lyon, y compris en matière climatique. Ouais. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des enjeux à la fois politiques et en même temps d'expertise. Il y a des dispositifs existants et des expertises existantes qui évidemment, sont des conditions favorables. Quand on parle d'inégalité, par exemple, territoriale, l'inégalité d'expertise, de même que ce que j'appellerais l'inégalité du design institutionnel, c'est le fait qu'ici il y ait un instrument technocratique ancien, etc., c'est un élément qui évidemment joue un rôle important dans la façon de plugger l'implémentation. Sur ces questions, en fait, c'est une question d'implémentation ton sujet. C'est comment on implémente nouveaux types d'objectifs de politique publique dans de l'action urbaine préexistante. Alors, là où par contre je suis un peu... Un peu sceptique, toujours dans cette vision un petit peu de longue durée, c'est le tableau qu'a fait ton collègue, donc je peux critiquer. Parce que justement, je trouve qu'il est trop courte vue, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que c'est un peu comme si le climat venait de nulle part, et que, quelque part, tout à coup, on se dit, il y a des objectifs d'atténuation et d'adaptation, puis on constate que, dans la phase émergente, il y a plus de choses en matière d'atténuation qu'en matière d'adaptation. Bon, déjà, moi je pense que fondamentalement, c'est un peu déjà là, on dit, connaissance disponible, savoir-faire déjà mis en œuvre d'un côté, et les connaissances seulement à produire. Non, c'est qu'en fait, c'est pas des savoir-faire qui sont déjà mis en œuvre et des connaissances seulement à produire, c'est que c'est certains types de culture technique locale, un certain type d'expertise qui se saisit de la question du climat, c'est en fait c'est l'expertise environnementale. Et pas les urbanistes. Les urbanistes ratent cette affaire-là. Or, cette expertise environnementale d'ingénieurs écologistes, etc., ils sont complètement dans le changement de comportement, dans l'adaptation. Et c'est bien pour ça qu'ils ne se servent pas des outils Scott Plus, PDU, PLI, ils n'y connaissent rien. Et qu'ils sont plutôt sur le plan climat, tu vois. C'est pas leur truc. Ou c'est des énergéticiens, enfin c'est des gens qui viennent de tout ça. Donc oui, ils vont s'appuyer sur les politiques énergétiques. Ils vont, comme souvent, c'est des gens qui sont assez proches, au moins un élu, un peu écologiste, machin, etc. Il y a une mise sur l'agenda assez rapide parce que l'élu a besoin de mettre ça, etc. Et puis ça correspond bien à ces phases émergentes où finalement il ne suffit pas de faire grand-chose pour montrer qu'on commence à avancer. Ouais. Parce qu'on sait bien que tout le problème de l'atténuation, c'est que c'est très facile au début, puis plus tu avances, plus c'est compliqué. L'adaptation, c'est différent. C'est très difficile au début, mais plus t'en fais, plus c'est facile. Bon, ce qui est un peu dit là aussi, court terme, long terme. Mais si ça avait été plogué ou saisi, si tu veux, par le monde du scope, du plus, du machin, tout comme ça, on aurait eu, sans problème, les connaissances, les outils, les machins, adaptés, c'est de l'adaptation. Parce qu'en fait, les urbanistes, adaptation, ils savent faire. C'est de l'aménagement, l'adaptation, en fait. C'est l'aménagement, je veux dire. Extension, gestion d'extension encore. Bah, c'est l'aménagement, alors c'est plus de l'aménagement de croissance, peut-être, c'est de l'aménagement de si tu veux, de régulation. Ce qui est peut-être qu'on ne sait pas faire en urbanisme, c'est possible. Mais il y a aussi de l'aménagement de croissance. Je veux dire, quelque part dans l'adaptation, tu peux aussi. Je veux dire, c'est intervenir sur du bâti, c'est intervenir sur. Tu vois, sur des zones, c'est intervenir sur des zones interdites, autorisées, des choses comme ça. C'est vachement bien faire, les urbanistes, c'est leur métier. Tu vois? Ouais. Donc, peut-être aussi, un des critères, c'est parce que c'est venu, d'où c'est venu, tu vois. Et peut-être aussi, une des raisons pour lesquelles à Lyon, voilà, il y a peut-être eu un petit peu plus de présence, quelque chose qui fait que, voilà, il faut regarder un peu cette dimension de culture technique, par qui c'est porté, par quel réseau ça passe, tu vois. Oui, alors mission écologie, effectivement, mais la mission écologie, c'est des facilitateurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, il y a qui dans les groupes de travail, il y a qui collabore, etc., en interne, dans la communauté urbaine, enfin bon, voilà. Ouais. Puis finalement, la mission écologie, elle est chez les urbanistes. Mission écologie urbaine. Dans l'organigramme. D'accord, la DGDU, ouais, hein. Ouais, c'est vrai. Si, ils sont dans les bureaux de la DGDU, ouais, quelque part. Ça ne veut pas dire que les gens de l'urbanisme juridique, ils étaient forcément là, hein, mais bon, c'est pas tout à fait la même chose. Puis effectivement, le travail qui a été fait sur l'agenda 21, préalablement, avait beaucoup mobilisé les techniciens ingénieurs territoriaux. Les ingénieurs territoriaux avaient été très sensibilisés à la démarche Agenda 21, déjà. Donc il y avait un terreau, c'est raconté par Aurélien Bouteau dans sa thèse sur la mise en place de l'Agenda 21. Donc voilà, je veux dire, là aussi, il y a, si tu, après tu te mets un peu plus de distance et tu vois par où ça arrive finalement et comment ça s'implémente, il y a des effets de focal, si tu veux le temps, peut-être regarder. Parce que ça, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on ait cette capacité de double focale pour effectivement arriver à... C'est le problème de l'innovation, si tu veux, c'est que... Bon, d'abord, on a un pays dans lequel l'innovation est beaucoup portée par l'ingénierie publique, enfin, par la sphère publique, parce qu'elle est surabondante ici, et qu'en plus, on n'arrête pas de former des... La sphère publique ou l'innovation? La sphère publique. Elle est surabondante, et on forme des tas de diplômés qui vont se positionner dans... les collectivités locales, par exemple, qui sont porteurs d'innovation type... Voilà, donc du coup, on voit bien, alors que dans d'autres pays, enfin, bon, ça je pense aussi un peu, on voit bien comment c'est pas du tout présent, quoi. Même sans parler du Québec, mais je reviens de Belgique, les communes là-bas, elles ont un budget qui est à peu près 100 fois inférieur aux communes françaises, donc si tu veux, il n'y a pas d'expertise. Il n'y a pas d'expertise, il n'y a pas d'agenda d'intérêt, il n'y a pas de... il n'y a rien. Et c'est la région, éventuellement, qui peut avoir une politique, mais... Par exemple, au service d'urbanisme de la région wallonne, c'est Cécile qui me racontait, depuis 10 ans, il n'y avait pas un seul urbaniste. Et ils ont 5 pour tout urbanisme de la région wallonne. Et il n'y a rien dans les services d'urbanisme des villes, ils n'ont pas d'argent. Bon, bah, si tu veux, voilà, alors là on est quand même dans un... Tu sais, l'expertise elle est locale, elle n'existe pas. Alors que là, si on prend effectivement Grand Lyon, c'est quand même... c'est hyper costaud, quoi, c'est... Donc, ce que je veux dire par là, je reviens un peu à mon affaire, c'est que si on veut effectivement, un jour notamment, être bien dans une... Enfin, j'espère que je continuerai pas avec vous, mais dire... Justement, dans une logique comparative, c'est assez intéressant. C'est-à-dire de voir cette innovation, c'est quoi les conditions favorables à l'innovation, par quel comment ça passe, où ça s'implémente, de quelle manière, à quel niveau, et comment finalement... se territorialise. Au-delà de ce que vous avez fait, qui est intéressant sur... Comme vous aviez déjà commencé à faire ce travail-là, notamment regarder les inégalités territoriales, notamment les inégalités d'expertise, des choses comme ça. Mais je pense que ça... Et puis, il y a quand même cette dimension temporelle, c'est-à-dire que il y a l'héritage, c'est-à-dire que ça vient renouveler des choses existantes, et finalement, plus il y a de choses peut-être existantes, et plus ça permet finalement de l'implémentation d'être plus facile, mais en même temps, ça la cerne. Ça la borne. Parce que ça la met dans des rails, à une dépendance, d'une certaine manière. Donc, moi, je trouve que pour travailler sur le développement durable, qui est quand même travailler sur de la mutation de l'action publique, quoi, grosso modo, réfléchir sur la question de, on va dire, la sociologie de l'innovation dans les grandes organisations, des choses comme ça, c'est des choses qui sont importantes, parce qu'il faut qu'on arrive à... Parce qu'on est tout le temps amené à travailler sur l'émergent, et tout le temps on est obligé de dire, d'avoir la réponse que j'aurais la même, c'est-à-dire, je ne peux pas répondre parce qu'il faudrait que j'ai 4-5 ans Ouais. Et à un moment donné, il faudrait qu'on ait une capacité à regarder, à donner une grille de lecture. Mmh. Enfin, moi, je dis pour moi aussi, parce que j'en sens le manque, de pouvoir dire ben, comment on peut avoir des éléments qui permettent de savoir, finalement, comment on est en fait dans de la reconduction de choses existantes, mmh. du rebaptisage, de la réactualisation, ou s'il y a vraiment un effet de rupture, de changement de sentier, mmh. etc. Au niveau institutionnel, au niveau des cultures techniques, au niveau des acteurs porteurs, enfin, tu vois, des choses comme ça. Mmh. Ça m'a fait un peu réfléchir sur ton histoire. Mmh. Ouais, mais c'est intéressant d'avoir ce regard sur le temps long, quoi, parce que c'est vrai que nous, bah, déjà, on n'est pas, ouais, on n'a pas un regard historique de notre âge, là. Faut bien le dire comme c'est. Oui, puis surtout, c'est. Et puis, on n'est pas lyonnais, enfin, donc. Alors, effectivement, c'était. Du coup, un regard un peu neuf, voire un peu naïf en tant que chercheur, là, quoi. Mais, ouais, du coup, c'est vrai que c'est intéressant de le repositionner, enfin, à la fois en contexte local et puis par rapport à ces questions sur l'innovation. Nous, on ne se les posait pas tellement en termes d'innovation. On disait plutôt, voilà, c'est quelque chose qui est émergent, qui arrive à un moment donné de manière assez, assez soudaine, finalement, parce que cette question du climat, elle arrive un peu brutalement, quoi. Puis de manière tout de suite très avec beaucoup de bruit et fracas là, donc c'est de voir comment bah voilà ce que ça pouvait changer ou pas. Tu vois, je te donne juste encore un petit détail, c'est le fait que la question de la santé soit pas parue dans. Ouais. C'est parce que la thématique de la santé liée à la pollution de l'air, elle est portée par la ville de Lyon, par l'intermédiaire du bureau d'accord. d'hygiène municipale et de territoire. Ouais. Et je ne crois pas qu'il ait été tellement associé à l'histoire du plan climat. Ouais. Donc, c'est, tu vois, c'est tout bête, ces questions de compétences. Et de, mais du coup, ça, où est-ce que ça arrive et chez qui ça, du coup, ça oriente vachement les objectifs, à quoi ça se raccroche, etc. Mais du coup, on est quand même. Je pensais à ce que tu disais par rapport au plan, enfin au positionnement de la ville de Lyon, qui est en train de lancer son plan climat, ville urbaine de même, alors peut-être sûrement d'autres aussi. De fait, c'est un constat de base, mais c'est quand même la communauté urbaine qui a lancé l'affaire, quoi, localement. Justement, c'est la ville de Lyon, surtout parce qu'on s'en dit, face à la communauté urbaine. Ouais. Surtout si les enjeux commencent à devenir sérieux. C'est-à-dire si effectivement les enjeux, c'est des orientations d'urbanisme, c'est des choses comme ça. Ce qu'ils veulent, c'est pas être dépendant de l'expertise naturelle. Mmh. Les acteurs de l'État, parce que quand même sont évoqués là, de l'État local. L'État local d'ici ? Ouais, ils se positionnent comment par rapport à ça ? Alors, de manière assez inégale, c'est ce que j'en ai vu, alors toujours avec les pincettes, du terrain qui n'est pas fait récemment, que les choses ont sûrement changé, etc. Mais à l'époque, c'était un positionnement autour d'intérêts de personnes ou de services sur des choses thématiques. Je pense notamment au fait que la DAS, il y avait quelqu'un de la DAS qui avait porté attention aux questions canicules. Et du coup, ils avaient été associés à la démarche Amica. Mais là, voilà, on était vraiment hors de tout cadre. À l'époque, l'État n'était pas du tout, avait pas du tout de directive par rapport à ses services sur la question du climat. Donc c'était vraiment parce qu'ils avaient jugé ça intéressant. Ce qui est pas par hasard non plus. Enfin, une des premières réponses de la canicule, c'était de mettre en place des plans d'urgence et des climatiseurs dans les maisons de retraite. Quoi. Donc eux avaient été associés à la démarche Amica, il s'était passé des choses un peu autour de ça. Après, je ne sais pas trop. Point de vue inondation, ressources en eau, c'était un aussi des risques qui étaient mis en avant, alors qu'on était jugé moins prégnants pour Lyon que la canicule, enfin que les îlots de chaleur, mais a pas semblé. Alors il me semble avoir vu à l'époque quelqu'un de la DRIR. Qui lui se demandait quand même si multiplier les plans de l'air, les plans climat, les plans ceci, les plans cela, c'était pas un peu ridicule. Ouais. Et juste pas forcément très directement lié à la recherche que tu as fait, mais ce que tu as pu voir en comparaison internationale sur les trois. Pour l'instant, rien. Franchement. Donc tu parles spécifiquement pour Montréal, comme ça. Je vais te missionner, je vais te donner une petite grippe. Mais non, pour l'instant, on n'a pas du tout défriché le terrain. Sauf que. Mais est-ce que vous aviez identifié un terrain potentiel ? Eh bien oui, bon, Montréal. Alors, parce qu'il y avait justement cette question de. Parce qu'il y avait cette conjonction avec Lyon qui était intéressante. D'abord, ils sont plus ou moins jumelés, puis ils font des rencontres, y compris sur ces questions-là. Ils étaient aussi confrontés à des problèmes d'îlots de chaleur et de santé aussi. Donc il y avait quand même des conjonctions comme ça qui étaient assez fortes. Et au niveau du paysage plus institutionnel, alors là, par contre, je ne saurais pas dire. Il me semble que c'est plutôt la ville de Montréal qui est positionné en termes de plan climat plutôt que la communauté métropolitaine. Je ne suis pas sûre que ça soit très avancé. Et au niveau quand même de l'expertise et là aussi de la présence d'adaptation, puisque quand même le projet qu'on a en cours, là c'est vraiment focalisé sur l'adaptation, c'est qu'il y a un programme au Québec qui s'appelle Ouranos, qui rassemble des chercheurs et je ne sais pas trop qui, des responsables politiques et autres sur les questions d'adaptation et qui eux sont assez en pointe, enfin ils brassent pas mal de recherches, d'expériences. Voilà, j'ai pas d'autres. J'ai peut-être deux petites questions, disons. La première, enfin une petite question et une deuxième qui est plutôt une remarque. Au début, donc, tu as dit que parmi les choses qui étaient peut-être un peu des banalités à dire et qui en même temps étaient intéressant de les redire, donc les villes se sont portées d'une manière générale comme des pionnières dans la lutte contre le changement climatique. Donc ça renvoie un petit peu à ce que Franck disait, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être une situation d'opportunité, donc pas simplement en France, mais plus généralement. Les villes occidentales. Oui, les villes occidentales, on est d'accord. Donc bon, et ça renvoie effectivement à des choses qui ont été effectivement dites à différents endroits. Il y a eu beaucoup de travaux là-dessus qui ont souligné ces formes de mobilisation. Alors, ma question porte plus particulièrement sur ces fameux réseaux d'échange. ICLEI, Climate Alliance, Énergicité, etc. Concrètement, est-ce que là, dans votre recherche, vous avez été voir comment fonctionnaient ces réseaux, quel type d'échange s'y faisait ? Parce que bon, c'est justement quelque chose qui est souvent dit, que c'est un des vecteurs peut-être de la circulation de l'information, etc. Je me demandais comment concrètement ça se passait. Là, on vient de donner l'exemple d'un échange entre Lyon et Montréal, si j'ai bien compris, qui porterait particulièrement là-dessus. Qu'est-ce qui s'échange concrètement, que ça se passe comment l'innovation ou la reproduction dans ce contexte réseau, quoi. J'aimerais bien savoir ça. Donc tout ça, c'est une petite question que je te pose et qui est ouverte. Et alors la deuxième, je voulais revenir au tableau, et donc c'est une remarque, parce que j'ai lu plusieurs fois des articles d'un des relais médiatiques, qui est à la fois relais médiatique et fait l'articulation avec une partie de la sphère scientifique, le gars qui s'appelle Björn Lomborg. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Ouais. Alors lui, c'est une sorte de voix discordante, pas tout à fait comme Allègre, il ne vise pas les mêmes choses qu'Allègre, mais lui, il est positionné sur la question des coûts et quelle est la stratégie à adopter face au changement climatique au niveau mondial. Et notamment dans le cadre de Copenhague, par exemple, il avait une voix assez discordante par rapport à ce qui était envisagé comme consensus possible, en disant, mais l'atténuation, ça coûte beaucoup trop cher, on n'y arrivera jamais, et puis ça pose des problèmes politiques terribles, parce que, ben voilà, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur qui doit respecter les quotas et tout ça. Et en fait, ça coûterait peut-être moins cher de s'adapter dans un premier temps, de construire des digues où il faut, de faire des choses comme ça, et puis dans un... quand... on reviendra dans quelques années à la question de l'atténuation, parce que là, on aura fait des super progrès techniques, et donc, du coup, les techniques d'atténuation coûteront moins cher. Bon. Alors, et du coup, par rapport à ce tableau, justement, là aussi, on est un petit peu en décalage, et notamment sur la partie coût économique, tu vois. Donc, c'était juste une remarque, parce qu'évidemment, on n'est pas du tout à la même échelle, mais moi aussi, ça m'a un peu titillé ces stratégies, ce positionnement des municipalités face à ces deux stratégies, enfin ou des acteurs locaux, disons généralement, ces deux stratégies avec les hypothèses de coûts qui sont faites, qui ne sont pas forcément ce qu'on entend ailleurs, quoi, disons. Par rapport au réseau d'échange, nous on n'a pas regardé ça de près, c'est plus pour caractériser le contexte général. On l'a quand même vu en situation, parce que ça s'est présenté comme ça, à Lyon avec ce programme Amica, où j'avais assisté moi à une de leurs réunions, donc il y avait des représentants, je ne sais plus, il y avait peut-être une dizaine de villes européennes quoi, qui étaient rassemblées. Et la manière dont ils fonctionnaient, c'est-à-dire qu'ils s'auditaient mutuellement. C'est-à-dire qu'ils passaient en revue chaque ville, enfin je ne sais plus précisément comment ça marchait, mais en tout cas c'était les villes étrangères qui auditaient une ville à un moment donné. Et voilà, elles venaient un peu, qu'est-ce que vous faites, comment ça se passe, vous pourriez faire ci, ça, nous on fait comme ça. Et c'était sur un jeu comme ça d'audits partagés, avec une grille, ils avaient une grille d'évaluation qui était assez fouillée, assez précise, avec des critères. À renseigner quoi. Du changement climatique. Ouais, un truc comme ça. Avec une note à la fin. Non, parce que l'évaluation partagée, c'est plutôt l'apéro. Oui, je pensais à l'apéro en même temps aussi dans ma tête, oui, en effet. Ouais. Mais l'EMRS, en fait, c'est aussi un peu partagé parce que les gens sont des collègues. C'est vrai. Alors, eux fonctionnaient comme ça, je ne suis pas sûre que c'est représentatif des différents réseaux, hein, mais il y a tout le système de, c'est encore autre chose, mais d'engagement. Par exemple, le maire de Lyon a signé la charte des maires européens pour le changement climatique. Donc là, on est plus sur une sorte d'affichage de politique et d'engagement moral, quoi, enfin, à signer une charte, oui, c'est ça, c'est une charte. De la même manière qu'il y a vu la charte d'Alborg, j'imagine, un peu plus généralement sur le développement durable, quoi. Donc c'est encore une autre forme de choses comme ça. C'était quoi ce mot? Ah oui, Lomborg. Je n'ai pas regardé, c'est trop ce qui... Enfin, j'avais lu un article, mais il y a vraiment longtemps. Quand même, cette question des coûts et des temporalités au niveau local, c'est... j'assume le tableau et même le tableau de mon collègue, c'est qu'effectivement, on est quand même sur une perspective qu'on saisit pas parce que voilà, on est sur des enjeux de. Alors il y a question de coût, mais aussi je pense d'appréhension du risque et de et le fait de se projeter sur. Sur de je sais pas moi une élévation des niveaux de la mer avec de l'érosion en zone littorale sur une fonte des neiges, bon bah c'est pas si facile que ça quoi, c'est Non mais précisons des stations de sport d'hiver par exemple, c'est assez intéressant à imaginer parce ouais. que là elles sont en plein par rapport à ces questions donc ce que tu évoquais sur c'était l'Anse-en-Vercors ou Villars. Bon, où là, chaque année, ils constatent que là, ils ont moins de neige, moins longtemps, etc. Donc, pour ce genre de station, il y a des enjeux très directs, économiques très directs. Ouais. Donc, effectivement, reconvertir leur station d'une saisonnalité, quand même avec un gros pic d'hiver, vers une saisonnalité plus partagée, par exemple, etc. Ça peut être des choix et qui, pour le coup, à cause de conditions locales, de contraintes locales, bon, ici climatiques ou géophysiques, mais qui pourrait aussi être lié à, peut-être à d'autres configurations. Et on peut imaginer qu'une population différente qui préférerait s'adapter. Et, enfin, c'est ce qui se passait à Villard de Lans. Ouais. Et du coup, ça, vu qu'il y avait à ce moment-là un projet d'UTN, ça cristallisait un peu les choses. Et pour nous, c'était pas mal, parce que ça donnait prise, ça donnait un peu des choses à voir. Et très clairement, il y avait une forme d'adaptation de court terme qui permettait de maintenir le système donc du sport d'hiver, etc., en réinvestissant dans des canons à neige et autres, et des voix discordantes qu'on a retrouvées d'ailleurs, il y avait des élections municipales à ce moment-là, c'était reporté par les candidats et tout, et donc discours notamment des accompagnateurs, des guides, des spéléologues, etc., qui disaient bon ben non, c'est pas la peine de persister, là faut changer maintenant, faut s'adapter maintenant, et tout de suite opter, même si c'est un peu dur au début, opter pour une économie diversifiée, un tourisme plus diversifié, plus soft, etc., etc. Et du coup c'était intéressant de voir aussi une situation où c'était où ça accrochait un peu quoi, où c'était discuté, parce que bon la charte de l'arbre au Grand Lyon, ça va, tout le monde est content quoi, enfin je veux dire, ça prête pas à des choses qui... Ouais, mais alors, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que dans l'exemple là, du Vercors, de cette station de ski, finalement, le problème, c'est pas tellement d'arbitrer entre atténuation et adaptation, c'est plutôt entre deux formes d'adaptation. Bien sûr. Une adaptation, une économie qui se maintiendrait, et malgré tout, c'est une adaptation et un changement du mode d'exploitation pour intensifier l'exploitation. Investir, mais pour le même mode d'économie, ou alors une adaptation vers une autre économie qui est un redéploiement spatial, économique, etc. Mmh. Et c'est entre deux modes d'adaptation. C'est plus qu'entre atténuation et adaptation. Ah, oui. Si on revient sur cette histoire, effectivement, atténuation, adaptation, encore une fois, il me semble effectivement, du coup, que plus on est dans le premier cycle, exemplarité, expérimentalité, effectivement, l'atténuation, c'est assez facile. C'est-à-dire, acheter des bus qui roulent au diester ou qui ne polluent plus, ça va. La taxe carbone, c'est pas la ville qui va la poser. Ouais. Donc, la vraie mesure d'atténuation, elle est nationale ou européenne. Mmh. Donc, du coup, effectivement, tu vois, le coût bénéfice est d'autant plus facile à faire que le coût politique, tu vois. Bah, bon. Ouais. Et effectivement, quelque part, on voit bien que atténuer au début, le début de l'atténuation, ça peut faire plan climat local assez facilement. Mmh. Mais dès que tu arrives effectivement, tu as très vite un mur. Mmh. Alors que sur l'adaptation, là on a des vrais. C'est pour ça que je trouve que c'est bien que vous ayez travaillé sur l'adaptation, parce que c'est ça le volet essentiel, il me semble, effectivement. En tout cas au niveau territorial, puisque c'est lui qui pose le plus de problèmes justement de l'égalité territoriale, etc. Ouais. Et c'est là où il y a des options qui s'ouvrent, des choix. Alors parfois il y a des choses, effectivement en même temps la grille, des choses je me demande, il y a des mesures qui sont à la fois d'atténuation et d'adaptation. Ouais, tout à fait. Par exemple, l'isolation des logements, c'est à la fois de l'atténuation puisqu'on consomme moins, mais en même temps c'est de l'adaptation parce qu'on sera mieux isolé face au fort chaleur. Mmh. Oui, tout à fait, ouais. Ben oui, c'est Dans les rapports un peu officiels, c'est toujours classé comme ça, c'est l'adaptation les mesures gagnantes-gagnantes, là, donc, qui sont sur le volet adaptation et atténuation, et les mesures contradictoires. Donc typiquement, c'est ce qui est cité, c'est le canon à neige pour le ski, la climatisation. Sauf que ça, c'est souvent le discours un peu expert général, mais au niveau local, ça, c'est pas du tout compris comme ça, quoi. C'était assez. Récemment, là, il y a eu les. Je sais plus quel organisme a financé ça. Enfin, les plusieurs stations de montagne qui ont fait leur bilan carbone. Et en fait, ils montraient que finalement, le plus gros des émissions, c'était pas les canons à neige, c'était les voitures qui venaient au ski. Et c'est une manière aussi, quelque part, de redistribuer les cartes de responsabilité, en disant, bon voilà, nous on met des canons à neige, mais c'est pas ça le problème, quoi. Vous venez en 4x4, exactement. Ouais. Vous verrez dans prochain numéro d'urbanisme, j'ai fait un petit truc sur la planification stratégique dans 20 ans. Et dans 20 ans ? Ouais, parce que c'est sur les 20 ans de l'an 2010, donc c'était plus rigolo de dire... Ah ouais. Non, il y a 20 ans, aujourd'hui... Donc je fais deux paragraphes sur ça peut être quoi, planification dans 20 ans. Et donc je fais un peu deux hypothèses, mais une des deux hypothèses, c'est de dire... En fait, c'est un marché de Kyoto local. C'est-à-dire que les territoires se voient attribuer des droits à polluer, finalement, ou des droits à produire des gaz à effet de serre. Et après, il y a une logique d'échange, de compensation, etc., au niveau d'un SCOT, etc., ce genre de choses. Par exemple, un territoire périurbain, effectivement, émet plus de déplacements automobiles, mais en même temps, il y a plus de forêts, donc quelque part... Donc comment on va calculer ça peut devenir quelque chose totalement central en matière d'urbanisme et d'aménagement. Si jamais ce modèle-là arrive, ce qui n'est pas complètement infondé. Ah mais ça a été déjà discuté, le fait d'avoir des marchés carbone. Ouais. Alors là, du coup, les inégalités territoriales, bonjour. Bah oui. Mais bon, on se repose sur les mêmes problèmes de comment délimiter territorialement une responsabilité avec ce critère-là, quoi, de gaz à effet de serre. Mais en fait, c'était le même, ce ne sera pas plus difficile ni moins difficile quand il fallait payer des égouts et donc ce que je veux dire pas, c'est difficile, mais c'était très difficile aussi. Il n'y avait pas d'outils, je vous disais, c'est quoi la part de la commune machin sur un réseau des comptes communales. La difficulté est la même. Ce qu'il y a, c'est que là, on vit une période où, contrairement à tout le discours qui gère sur le fait en disant « Oh, c'est vachement dur de faire de l'intercommunalité, de dessiner des périmètres, etc. » Et ça n'a jamais été plus facile que maintenant, parce que on n'a plus les problèmes de se payer tous les frais d'infrastructure, et on n'a pas encore cette histoire-là. Donc en fait, ici, en ce moment, c'est une période par rapport à ce qu'il y avait hier, à ce qu'il y aura demain. Si on va vers ce modèle-là, mais quelque part, d'une manière ou d'une autre, ça va être quelque chose qui va arriver. C'est intéressant, cette question effectivement du rapport, du calcul d'un bilan et de sa territorialisation. J'ai lu il y a quelques jours une contribution de gens qui étaient plutôt des spécialistes de la géographie physique et qui faisaient observer que cette histoire de bilan carbone par pays qui a conduit à l'échec d'une certaine manière de Copenhague était justement une mesure en partie biaisée parce que finalement le bilan carbone épouvantable de la Chine aujourd'hui, c'est en partie nos usines que nous avons délocalisées chez eux. Donc il y a effectivement, et donc d'une certaine manière, notre consommation aussi. Alors il y a vraiment des difficultés, enfin dans la construction méthodologique de ces indicateurs, il y a beaucoup à réfléchir. Alors si on transpose ça à l'échelle locale, effectivement, on va retomber sur les discussions qui aujourd'hui, qu'on voit par exemple à Paris, peut-être un peu moins à Lyon, je crois, mais entre les banlieusards qui viennent en voiture polluer le centre de Paris et les verts très forts à Paris qui veulent imposer des barrières et des machins comme ça, on va arriver assez vite à des questions qui effectivement sont un petit peu de même nature, quoi. Qui consomme, qui pollue. Et comme en général on tronquera le système, effectivement, fondamentalement quand même à la base ici, c'est foncier qui est quand même fondamentalement l'affaire. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la rente foncière. Je veux dire, les récupérateurs de la rente foncière, c'est quand même les propriétaires du sol parisien. Mmh. Et ceux qui sont victimes de la... qui n'en bénéficient pas, c'est ceux qui vont s'expatrier et qui demain vont peut-être être taxés. Mmh. Demain, leur appartenance à un territoire où ils sont obligés de venir travailler. Et donc, mais ce n'est pas les... C'est pas les investisseurs qui possèdent le sol parisien qu'on va taxer. Au contraire, ils vont recevoir plein d'aides parce que ils vont faire du l'éco-quartier. Ou alors on va financer l'adaptation de l'isolation des vieux bâtiments haussmanniens ou pré-haussmanniens qui perdent par tous les trous. En tout cas, pour revenir à certains éléments qu'on a discutés aujourd'hui, en particulier dans l'intervention de Franck, cette réflexion sur finalement les conditions préalables de l'innovation, c'est une thématique que tu avais déjà mise en avant en réagissant à ce que Roelof avait présenté, enfin avec pas tout à fait la même entrée, mais bon, il y a effectivement cet élément de cadrage commun qui est tout à fait intéressant. Et sur laquelle ce sera bien d'essayer de revenir, de peut-être effectivement de construire une grille. C'est une des grilles possibles que nous partageons. Donc c'est vrai que c'est intéressant de ce point de vue-là. Et ouais. Du coup, je sais pas, par exemple, si Philippe, alors il est des questions, Philippe, que tu interviennes le mois prochain, mais finalement tu pourras sans doute pas, c'est ça. Hein, et du coup, ce serait intéressant qu'une fois que tu puisses intervenir sur ton objet propre qui est différent, mais c'est vrai que la perche tendue par Franck, par exemple, c'est peut-être une des manières d'articuler quelque chose de commun. C'est une vraie bonne piste. Il faudra qu'on y réfléchisse en termes de calendrier, mais... Et Franck, tu vas intervenir sur l'innovation, enfin, je veux dire, de manière un peu théorique et... Non, on voulait, avec Cécile, les travaux de la plateforme, c'est comme le principe, c'est qu'on parle de travaux qu'on mène, les travaux de la plateforme mobilité marginalité. La plateforme, son idée de départ, c'est l'impensée sociale des politiques de transport. Notamment aujourd'hui, soumise à une double injonction d'obligation de la mobilité pour pouvoir trouver du travail et ouvrir dans la vie, et en même temps de réduction de la mobilité automobile au monde de l'environnement et dans lequel, on va dire, les pauvres sont complètement coincés. Donc c'est ça les travaux de la plateforme, et avec une autre caractéristique, donc moi je vais plutôt présenter la plateforme, puis Cécile Sattel, puisque la plateforme c'est à la fois des géographes de la Time Geography qui travaillent sur le renouvellement de l'observation de la mobilité en partant de démarches qui sont des démarches individu-centrées, c'est-à-dire qui sont des modélisations qui partent des individus et de leur programme d'activité temporelle et qui essaie de comprendre notamment le jeu de contraintes territoriales et sociales dans lesquelles sont pris les gens pour se déplacer, qui d'une certaine manière sont des enjeux de connaissance pour des politiques de mobilité qui sont de plus en plus individualisées. Et donc c'est un peu ça l'enjeu, si tu veux. Alors effectivement, là-dedans il y a de l'innovation aussi. Et Cécile se pose la question, c'est une difficulté justement, parce que d'une certaine manière, à un moment donné, quand on a parlé de sa problématique, on est allé assez loin à un moment donné sur la question de les nouvelles politiques de mobilité individu-centrées, on va dire. Sont-elles de l'innovation par rapport aux routines de l'action publique en matière de politique de transport et autres? Et en même temps, c'est toujours la difficulté de mesurer l'innovation, quoi, en disant, mais comment on fait sur des trucs émergents pour mesurer? C'est compliqué. Donc, on garde un peu cette dimension mutation, si tu veux, mais on ne la qualifie pas spécialement en tant qu'innovation. On n'a pas la grille vraiment adapté, parce que justement je parlais de ces outils de sociaux d'innovation. Bon, c'est beaucoup autour de la question de l'innovation technologique, dans le monde plutôt de l'industrie, enfin tu vois, ces choses-là. Et quand même pas beaucoup. Alors, on a dû travailler sur l'innovation urbaine à certains moments, notamment par rapport à des questions de culture technique, des choses comme ça, mais il n'y a pas en fait cette grille un petit peu, un peu construite, un peu solide, et c'est vrai que ça nous manque. C'est pour ça que j'ai dit à Cécile, il faut être un peu plus prudent. Et regardez déjà c'est intéressant de voir la pluralisation en fait, des politiques de mobilité, et qu'aujourd'hui les mobilités de transport, elles sont plus au transport, elles sont à l'insertion par l'économique par exemple. Et comment ça se passe? C'est de comparer les deux systèmes. C'est l'ancien système plutôt piloté, où la question sociale était plutôt prise en charge par le réseau, le collectif, la tarification. et un nouveau système dans lequel la mobilité, les inégalités socio-spatiales sont prises en compte soit par les politiques temporelles, les plans de déplacement d'entreprise, tout ce qui est développé par les politiques temporelles, le management de la mobilité, on va dire, d'un côté, et de l'autre côté, ce qui est pris en charge par les politiques d'emploi et les politiques sociales. Mais la question de l'innovation est justement de poser le problème en termes de risque à prendre pour une thèse par rapport à ça, faute de référentiel théorique, je dirais, analytique, enfin de grille d'analyse. Pas tant théorique, qu'est-ce qu'il faut, mais de grille d'analyse adaptée à l'action collective urbaine, en fait, à l'innovation par l'action collective urbaine. C'est un peu ça le... Alors il y a des choses dans le domaine du transport, là, j'ai expertisé un bouquin qui travaille un peu sur la question justement de. Par exemple, qui utilisent des théories de sentiers dépendants, dépendance au sentier, mais des politistes, donc plutôt néo-institutionnels, mais c'est justement complètement pris dans un contexte qui est l'analyse de l'institutionnalisation de l'action, qui n'est pas ce qui nous intéresse. C'est pas la dépendance à des formes institutionnelles qui nous intéresse en tant que telle. Et par contre, les autres théories de la dépendance au sentier sont complètement sur l'innovation technologique. Donc du coup, c'est pas adapté non plus. Donc on est un peu en manque d'eux. Mais bon, j'ai deux, trois idées comme sur le sujet. C'est vrai qu'on est finalement, je repense à ce qu'avait dit Roloff, on est plus sur de la mutation. Enfin, c'est peut-être un peu restrictif finalement de parler d'innovation. Ça oriente. Ça restreint jusque ça. Ça remet dans une flèche du progrès, de certaine manière. Et puis ça met dans une logique qui est une logique de, effectivement, de voilà, qui sera quand même pas. C'est, moi, je pense qu'en matière d'action collective, on est plus dans de la mutation que dans l'innovation. Mais c'est quand même du changement. Et la question du changement, elle n'est pas évidente non plus. Elle n'est pas évidente non plus. Donc, moi, je me suis concocté une petite grille qui est une sorte de bricolage entre la dépendance au sentier d'un côté et le changement incrémental de l'autre. D'accord. Entre Lindblom et Paul, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, pour l'occasion. Il y a, en fait, c'est assez intéressant. Là, bon, j'ai encore rien mis comme texte, mais je vais m'y mettre. Justement, Caroline Gallez a fait... va sortir un bouquin sur une spécialiste des politiques de transport, un bouquin collectif, mais c'est elle qui a vraiment écrit la conclusion, sur justement, ils ont analysé l'évolution des politiques de transport dans quatre villes depuis 40 ans, donc Berne, je ne sais pas quoi, Strasbourg, Grenoble, je ne sais pas quelle est la quatrième, c'est un truc avec Vincent Kaufmann. Et donc, bon, il y a des monographies, mais ce qui est surtout intéressant, c'est le chapitre de synthèse. Et chapitre de synthèse se pose la question, donc en gros c'est sur la cohérence urbaniste de transport dans la durée, mais en fait elle se pose en fait la question du changement politique ou pas dans ce domaine-là. Et donc elle fait un passage en revue des théories autour de ces questions-là, justement, bah, ça je peux le mettre, c'est bien, j'ai le texte, je peux vous le mettre, parce que c'est complètement adapté, puisque un des problèmes justement que là c'est comment c'est adapté à des politiques territoriales, à des histoires de villes, de politiques locales, quoi, ces trucs-là. C'est vraiment intéressant. Et comme je lui ai fait des critiques, bah, j'avais relu son papier en me disant, bah, peut-être tu pourrais relire les deux, trois choses que j'écris dessus, elle l'a intégré et l'a mis en débat. Donc, du coup, c'est pas mal ça. Bon. Bah, écoute, Franck, on attend. Ouais. Si tu n'y arrives pas techniquement, ne te laisse pas impressionner, envoie-moi et je j'aiderai les choses à passer. Hein. Donc,